tout droit le cortège. Nous, on est le là. Cortège va tout droit. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On va avancer quand même. En avance. On est là, les travailleurs. On avance tout droit. Bonjour, vous avez un beau gilet jaune. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous. Je suis pas un bon orateur, hein, donc. Ben en fait, vous êtes peut-être pas un bon orateur, mais vous avez une super punchline sur votre gilet jaune, je peux la lire. Ah bah si vous voulez. Donc c'est vivre en France coûte un bras, s'en plaindre coûte un œil. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Comment je pourrais vous dire? Vu ce qui s'est passé, bon, maintenant les gilets jaunes, on en parle moins. Mais vu la répression qu'il y a eu sur les manifestants, les gilets jaunes, moi je pense que c'est un honneur de porter ce gilet. Parce que, bon, c'est quand même le premier gouvernement qui est aussi incisif... Aussi méchant envers les manifestants. Moi, je comprends pas. Je comprends pas qu'après tant de révolte, on peut dire ça, que le gouvernement soit toujours aussi sourd. Je comprends pas. Faut quand même savoir que même si il dit tout le monde qu'il est légitime, il a quand même été élu qu'avec un quart des inscrits. Hein. Donc, pour moi, c'est pas un gouvernement légitime. Et on voit très bien ce qui se passe. Hein. S'il était légitime, il y a longtemps qu'il aurait discuté. Là, s'il s'enfonce dans le refus comme ça, c'est qu'il sait qu'il n'est pas crédible. Voilà, c'est, j'irais quelque chose, c'est presque un aveu, d'un échec. Hein. Voilà. Merci. Ton prénom, c'est quoi? Stéphane. Merci Stéphane. Bonne manif. Ben, merci. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.